tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h minuit. Radio-sud.net. 101.8. Yeah. Ouais, ouais, ouais. En direct de la 25e. Bonjour, Bisontine, Bisontine. Bonjour, salut, Pastagago. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Oh, vous étiez dans la 25e. Si tu n'as pas de pastaga, je ne parle pas. Oh. Ok, ok, la 25e, on est là en live jusqu'à minuit. Donc ce soir, on reçoit EDRF en émission spéciale. Avant de commencer, je voulais faire un grand, grand, grand big up à tous ceux qui sont venus, tous ceux qui nous envoient des messages pour nous demander quand est-ce qu'ils passent dans l'émission, tout ça, tout ça. Pour information, on est complet pour l'instant jusqu'à la mi-mai. Donc les mecs, si vous voulez vous inscrire, il faut vite s'inscrire parce qu'en vrai, là, même nous, on est débordés. Je regarde mon agenda là dans le téléphone, je craque. Sinon, moi, ça va, gros, et toi, tu vas bien? Hey, Jounes... toujours là, capuché, casqueté, aïstité, on dirait il va faire un freestyle. Écoute, yo, c'est tout. Ah ouais, lourd. C'est tout pour moi. On est aussi avec Théo 2S là, qui est venu faire un petit tour. T'as ouais. Quelque chose à dire? Il faut part devant le micro, gros. Rien à dire. T'as un micro là, si tu veux. On m'entend là. Rien à dire de spécial. Ouais, ok. Bon, EDRF va arriver. En attendant, on va passer un son qui nous a déposé là dans notre clé USB. Donc je vais le faire passer. C'est EDRF et El Jefe. Donc a priori, entre guillemets, j'ai pas trop le droit de le passer, mais vas-y, il m'a dit passe-le, c'est pas très grave. Ok, c'est parti. On est pas sympa, faut qu'on passe un pack. Trop nerveux, tu passes un tâche, ça se passe un café, tout passe à table. Allo parmi à ta chaka. Je les côtoie pas, c'est pour visquer les fils de Judas. La haine nous sépare, c'est les nerfs qui parlent. Que des frères dans mon équipe. Pas sympa, faut qu'on passe un pack. Trop nerveux, tu passes un tâche, ça se passe un café, tout passe à table. Allo parmi à ta chaka. Je les côtoie pas, c'est pour visquer les fils de Judas. La haine nous sépare, c'est les nerfs qui parlent. Que des frères dans mon équipage. Dans le bendo c'est dur, nos vies se ressemblent. Fils à papa, nous on connaît pas ça. Donc ça charbonne le bac pour le sourire de la mama. Viscère des yams pour remplir la parka. Toujours dans les starting pour vesquer la flicaille. Toi, tu rêves de nos vies, nous on en fait des cauchemars. Prêt à tout perdre pour mes frères. Eux et moi c'est comme Béné et Zébec. Pas de remplaçants, que des titulaires. Mouille le maillot pour persévère. Si tu veux le respect des adversaires, je suis pas mal éduqué, juste mal luné. Si t'insultes la daronne, t'es obligé t'allumer. Qu'est-ce que tu parles de bagarre, on t'a vu cavaler. T'as deux baisements cachés dans la vago. Je mets des revers comme un Roland Garros. Tellement de jonglis dans le hall, la frappe est beaucoup trop nebo. Et moi je m'arrode très tard le soir. Maillé, je suis bon qu'à ça. Je les daba comme du garba. Demi-volé dans la lucarne, célébration à la Drogba. Je veux m'isoler au Panama, faire du genre art. Et voir ma ronda rouler en Panamera. On est pas sympa, faut qu'on passe un pack. Trop nerveux, tu passes un tâche, chaque sous passe un café, tout passe à table. Allô, parmi à ta chaka. Je les côtoie pas, c'est pour visquer les fils de Judas. La haine nous sépare, c'est les nerfs qui parlent. Que des frères dans mon équipe. Pas sympa, faut qu'on passe un pack. Trop nerveux, tu passes un tâche, chaque sous passe un café, tout passe à table. Allô, parmi à ta chaka. Je les côtoie pas, c'est pour visquer les fils de Judas. La haine nous sépare, c'est les nerfs qui parlent. Que des frères dans mon équipage. 6 ans que j'suis là, que j't'enfonce sous-marin. Maintenant j'vais tout noyer à la surface. Allez dire aux haters que tout va bien, car quand moi j'avance, il faut du surplace. Calé au fond de la classe, sans avenir, ils disent que c'est à ça qu'on sert. Allez parler dans mon dos, mais moi depuis mes 15 ans, j'ai fait du bordel à chaque concert. Y'a que la rue qui m'enseigne, scène, j'ai retourné les scènes, frappe pour viser le mille. J'ai le cœur qui saigne quand on se rappe tous mes souvenirs. J'rêve que de la scène où je braque tous mes ennemis. M'amène, je m'acharde dans ce milieu de merde. J'ai fait que t'as fait, je rappe mine aux open mic. Je garde mes valeurs, je m'en fous de votre mic. Rêver de succès pendant que rêver d'autres Nike. Je gratte ma rage, gratte ma vie. Quand on paye nos erreurs, nos c'est bien que ça vaut plein tarif. J'ai peut-être pas l'argent des Qataris, mais je miserai sur notre victoire, ça y'a pas de pari. Paris, si l'argent nous manipule, les médias nous mentent et je me demande quand ça cessera. Faut quand le cul du voisin fessera. On a peur que du diable devant les codes et nous on stresse pas. Je rêve pas d'oseille, je veux rendre faire mes proches. J'ai une cote de 0 code 10, maintenant t'as ta mise. Ma vraie valeur n'est pas dans mes poches. Décroche des punch pour les mettre tous au tatami. Un tas d'amis m'ont rendu solitaire, trahi, je vais sortir mes projets, ils vont pas en croire. Le DRF et c'est l'UFCO 2018, Besançon, oui, crapard, et merci, Rafa. Faut qu'on passe un pack, trop nerveux, tu passes un tâche, ça se trouve pas 5 ans, je tout pas sa table. Un loup parmi un tas de chacun. Je les côtoie pas, c'est pour faire ce fils de Judas. La haine nous sépare, c'est les nerfs qui parlent, que des frères dans mon équipe. Faut qu'on passe un pack, faut qu'on passe un pack, trop nerveux, tu passes un tâche, ça se trouve pas 5 ans, je tout pas sa table. Un loup parmi un tas de chacun. Je les côtoie pas, c'est pour les fils de Judas. La haine nous sépare, c'est les nerfs qui parlent. Que des frères dans mon équipage. Radio Sud. La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h, minuit. Radio Sud.net. 101.8. Yeah, toute la terre est en train d'arriver dans le studio. Si à tes rages, je vais leur rappeler la. Il y a des gens du Tchad, il y a des gens d'Arménie, il y a des gens de Namek, il y a des gens de toutes les planètes. Tant qu'il y a Boom, il y a tout le monde. Tant qu'il y a Boom, il y a toute la terre qui est là. Il y a du monde, il y a du monde. Hey, ok. Il hey, y a le chuchoteur. Il y a le chuchoteur. Le chuchoteur gore. Le chuchoteur. Ok. Donc ce soir, spécial EDRF. Ça fait plaisir de te recevoir dans l'émission. J'arrive pas trop à te voir derrière toutes les lampes, les lampadaires et tout ça. Est-ce que. Vas-y, parle voir dans ouais, le micro. Ouais, ouais, ouais. Ok, nickel. Yes. Comment ça va? Ça va au calme et toi, mon ref? Pépère, hein. Moi, t'étais bien à l'heure. T'étais même avant moi. Toujours à l'heure, toujours. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Alors, mon petit, on va commencer à faire chauffer la marmite. Et puis on va commencer à te cuisiner un petit peu. Calme. Donc je pense que tu connais un peu le principe du jingle. Ouais, à force, ouais. Voilà, t'es déjà venu plusieurs fois. Donc on a fait un jingle, on va te le repasser. Et puis on aimerait bien que tu nous fasses un petit jingle à ta sauce pour lancer l'émission. Et puis après on y va. Vas-y, fort. Tu stresses ou quoi? Non, calme. Non. jamais de stress. Vas-y, cool man. Yes. T'as préparé des phrases, on dirait, non? Non, t'es non. Il va te lâcher un 16, gros. Vas-y, je vais te balancer le jingle. Tu t'enchaînes juste après. Radio Sud. La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h, minuit. Radio Sud.net. 101.8. Ouais, ouais, en force. La 25ème, on est là. Yes, merci mon gars. Pas d'inspi hein, sur les jingles. Ouais, nous, c'est les 16 mesures, les jingles. Ouais. Vas-y, fais un 16. Ok, alors EDRF. Est-ce que tu peux nous dire sur quel réseau on peut te retrouver? Partout, Instagram, oui. Facebook, j'ai une page Facebook. Après, vous pouvez suivre SLF Crew aussi partout, Instagram. Okay. Toujours accompagné de mon prénom, généralement, Dylan EDRF. Dylan EDRF. Vous pouvez me retrouver en balle partout. Ok, donc si là, je me mets sur Snapchat. Tu peux, je Dylan tape. EDRF. Ok. Rajoute un petit 1 aussi. Ok. Et puis pour tout ce qui est Insta. Instagram, Dylan EDRF aussi. Pareil. Facebook, Dylan EDRF ou EDRF tout court. Après, il y a SLF Crew. Ok. Sener, Guise, tout ça. C'est tout, oui. Dylan EDRF. À la banque, Dylan EDRF. C'est ça. Partout, ça. Yes. Ok, alors ce que je te propose, avant de passer aux questions, je mets un petit son. C'est le son J'espère. Exactement. Que tu nous as déposé. Est-ce que tu peux me parler un peu du, du bail? Est-ce que c'est récent? Est-ce que c'est... Donc du coup le son il date de l'année dernière. Donc j'ai sorti un projet qui s'appelle Au fur et à mesure. Donc l'année dernière. Projet 5 titres, old school. Et puis c'était avant de passer à la trappe. Je voulais tourner un peu une page sur le old school, tout ça. Après on y reviendra peut-être, mais faire un projet vraiment trappe. Okay. Puis du coup là c'est projet old school pour tous les gens qui me suivaient sur le old school en fait. Si. Donc du coup là ça veut dire que t'es prêt à, vu que t'as tourné la page là, tu peux faire tourner les sons maintenant. Ah gars, on espère hein. Vas-y. C'est bon. Ok, donc je vais passer le son EDRF, j'espère, et après on attaque un petit peu les questions. Au fur et à mesure. Check. et j'espère bien qu'on avancera dans la bonne direction. Y'a pas d'hésitation et rien à foutre de toutes vos citations. Faut que j'aille à la station, mais que le plein d'essence comme napalm. Je copie le nombre de choses qu'on voulait, mais qu'on n'a pas. Remarque des prix pour un appât, c'est la haine qui m'a rongé. Je vois que mes mangas l'air de thunes, y'a très peu de potes pour t'arranger. La pression d'être un étranger, personne me comprend. Jamais je fermerai ma gueule juste pour que l'état soit content. J'ai contemplé la haine, j'ai vu mes voisins taper dessus. L'équipe t'as pas 3h du mat, tu veux de l'action, t'es pas déçu. Pas d'excuses, on s'embrouille pour de la merde. On s'embrouille pour un rien, si l'erreur est humaine, dis-moi pourquoi on se comporte comme des chiens. Je tiens à toute ma vie, mais je sais bien ce qu'il comporte. Je vois bien que le vendredi soir c'est dans l'alcool qu'on se conforte. On se réconforte, pas pas sérieux quand je suis beau et ça me saoule. Me parle pas de buzz, moi depuis petit peu je veux faire bouger la foule. On m'avait dit tracer ma route, ça y est je pense plus au passé. J'avancerai à grands pas pour voir les autres passer. Lève ton bras si t'es démis, on préfère chasser entre nous plutôt que traîner avec des chiens. On m'avait dit tracer ma route, ça y est je pense plus au passé. J'avancerai à grands pas pour voir les autres passer. Lève ton bras si t'es démis, on préfère chasser entre nous plutôt traîner avec des chiens. Et tu crois quoi toi, que j'ai pas la haine voir que les années défilent. Tu veux effacer toutes nos peines mais les marques sont indélébiles. Gouverné par un débile, c'est toute ma haine que je déballe. Jamais de ma fierté je m'exile, même si les billets s'étalent. Je détaille ma vie, je vois un paquet de mecs qui parlent. On a peut-être tous le même bateau mais moi j'y parle. Mes mecs qui parlent sur les rivages, je t'avoue qu'on serait bien tous les deux. Pourquoi je m'endette à rester seul alors que j'ai le bonheur sous les yeux. Je veux réaliser tous mes vœux, le rap ce n'est que parmi tant d'autres. Bande de chiennes ça vient checker en face pour aboyer dans le dos. Ça n'en vaut pas la peine, créer des blèmes, les miens sont déjà existentiels. Pas un petit pas, moi c'est au galop que je me remets vite en selle. C'est souvent celle, j'attends celle qui pourra me faire un garrot. En manque de main, il vendrait pas mes valeurs pour venir gagner le Tao. Oh, quand je parle de faux, sans toi concerné. C'est dur de dire dans le fond qu'il y a que la fatigue qui arrive à me cerner. On m'avait dit tracer ma route, ça y est, je pense plus au passé. J'avancerai à grands pas pour voir les autres passer. Lève ton bras si t'es des miens, on préfère chasser entre nous plutôt que traîner avec des siens. On m'avait dit tracer ma route, ça y est, je pense plus au passé. J'avancerai à grands pas pour voir les autres passer. Lève ton bras si t'es des miens, on préfère chasser entre nous plutôt que traîner avec des siens. La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h minuit. Radio-Sud.net. 101.8. Ok, ok, ok. Donc, c'était le son de DRF, j'espère. Donc, désolé, il y a eu un débarquement en plein milieu du son. C'est ce qu'on attendait. Voilà. C'est ce qu'il faut, justement. Pas du coup, j'ai pas trop écouté le morceau au final. Mais tu peux le télécharger illégalement. Tu vois, je vois que Jounès, il est déjà. J'ai des liens. Si il est déjà à l'affût. Donc tu me disais en fait ce morceau-là, c'était pour tourner une page entre guillemets. Exactement, c'est exactement ça. Parce que d'un autre côté, les gens qui me suivaient quand j'ai sorti ce projet, c'était pour ce que je faisais plus old school. Ouais. Donc du coup au final, c'était le meilleur moyen de les remercier un petit peu en balançant un projet. Et puis, parce qu'en vrai, on enregistre des sons au final puis on les sort jamais. Donc là au final, je me suis dit pourquoi pas les mettre dans un projet comme ça. Tous les gens au moins qui me suivaient, ils ont ce qu'il faut, tu vois. Si, si. Ok. Bon, on va passer en mode interview. Donc, je vais partir de questions assez banales, assez bateaux. Vas-y, et puis après, calme, on va un petit peu rentrer dans les détails. Dans le vif. T'es toujours avec nous ou quoi, RDF? On est là, on est un peu ailleurs, mais on est là toujours. Vas-y, vas-y. Il commence. Est-ce que je peux t'appeler Ed? Non. Non. Bon, je vais t'appeler. Non, rigole, comme vous voulez, moi. De toute façon, tant qu'on connaît mes sons, au final, on peut m'appeler comme on veut. Vas-y, on m'appelle n'importe comment. Première punchline. Bobby. Bobby. On t'appelle un Bobby. Bâtard. EDRF, t'as quel âge? J'ai 20 ans, exactement 20 ans. 20 ans. Attends, ça veut dire que t'as un... 99. Ah ouais, donc les Zizou, les Lilian, tout ça, c'est pas pour toi? Si, t'es un ouf. 2006, Zizou, on était là. Ouais, on 2006, on était là après. Okay, c'est pas le même Zizou, mais on était là. On parle pas du même. Ouais, hein, c'est vrai. Ouais, c'était pas mal aussi. Tu sais, comme première image de Zidane, tu vois, t'es petit. Coup de tête seulement, tu vois. Voisin. Et t'as commencé l'opéra à quel âge? J'ai commencé vers 11 ans, ouais, ça fait à peu près 8 ans. J'ai okay. commencé. Ouais, j'étais. En fait, j'étais dans le graphe avant. Je graffais, voilà, j'étais jeune et insoucieux et je graffais. Et puis, j'étais tout le temps dans les sessions, la radio, tout ça. Puis c'était hip-hop à mort, hein, de toute façon, c'était hip-hop. Et puis, puis un jour, je me suis dit, je vais commencer à écrire. Ouais. C'est venu tout seul en fait. Je me suis dit, enfin, il y a plein de gens qui écrivaient autour de moi. Et puis, puis du coup, j'ai commencé à écrire de fil en aiguille. J'ai commencé à aller plus vers vraiment de la musique en fait. Au final, au début, c'était l'écriture un peu plus parce que j'ai toujours kiffé un peu l'écriture, tu vois. C'est toi. Poèmes, t'écris des poèmes. Ben limite, tu vois, c'est moi en vrai, c'est t'as capté. De toute façon, les poèmes, que ce soit love ou pas, il n'y a pas, tu vois. Maître Corbeau sur son arbre perché, tenu dans son bec à fromage. C'est trop old school, ça. Moi, vas-y, j'étais old school avant, mais là, school, c'est encore pire. Il y a old school et old school. Voilà. Et puis du coup, voilà, j'ai commencé à faire mes premiers enregistrements, petits enregistrements, tout ça. Puis j'ai rencontré un tas de monde, en fait. J'ai rencontré vraiment trop de monde. Parce qu'il y avait mon zinc aussi qui faisait du rap, donc c'est nerf. Ok. Et puis du coup j'étais directement dedans, j'ai rencontré la milice, puriste, tout ça, je les ai rencontrés vraiment jeunes. Du coup j'ai eu de la chance parce qu'au final ça m'a un peu toujours guidé, tu vois ce que je veux dire. Si j'avais besoin de conseils, que tu vois, puis ça a un peu forgé mon écriture, tout ça, et puis après tout est venu naturellement. T'as effacé des vidéos de toi sur ton Facebook, non? Sur le Facebook? Ouais. Ah, je sais pas. Mens pas, faut pas mentir. Ah, il y a peut-être moyen, je sais pas. Parce que tu sais comment je t'ai découvert toi à l'époque? À l'ancienne. À l'ancienne, j'avais une prof, son fils il traînait avec toi. Ah ouais. Elle m'a montré des vidéos de toi, mais à l'époque, je les ai pas retrouvées. Je les ai pas retrouvées. Donc, à l'époque, à l'ancienne. T'as de la chance. T'as de la chance de les avoir supprimées. T'as vraiment de la chance. Inspecteur Jeunesse. Ok, donc si je comprends bien, en fait, t'as commencé solo, mais entouré, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Okay. J'ai fait mon petit bonhomme. Enfin, je me suis mis en électron un peu. J'allais un peu partout, mais au final. Ça t'a fait, ouais, avec du monde, mais j'ai toujours été, tu vois, il n'y a pas eu beaucoup de featuring. C'était toujours, en fait, vraiment sur mes sons que j'étais bien entouré, en fait, tu vois. Puis après, il y a eu avec SLF, avec Bande Sonore, beaucoup. On a beaucoup taffé avec Bande Sonore. Puis après, il y a eu les concerts qui sont venus, et puis voilà. Si. Et du coup, ton blaze EDRF, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Du coup, ça vient, ça vient de mon blaze de graphe. Okay. Du coup, en fait, je sais pas, j'ai l'impression qu'à... À 11-12 ans, on commence vraiment à... Plus on grandit, plus on commence en fait à se forger un peu une identité. Mmh. Et puis vers 11-12 ans, je graffais. Puis c'était vraiment le milieu, j'ai adhéré. Et puis tu vois, c'était une mentalité après qui m'a un peu toujours suivi. Puis du coup, je me suis dit pourquoi pas garder déjà un truc qui fait partie de mon identité. Yes. Plutôt que de trouver un truc vendeur ou tu vois, quoi que ce soit. En vrai, je me suis dit autant avoir un blast que quand tu le crées en concert, quand t'entends les gens... qui te suivent, qui crient ton blast, tu vois, tu te dis en vrai c'est ton identité, tu vois. Et ça veut dire quoi? Bah du coup ça veut rien dire, c'est juste des lettres. C'est juste des lettres en fait, c'était merci. Le lettrage. Mmh. Bonsoir. En fait ouais, c'est le lettrage. Ouais c'est ça, le lettrage. Qui te plaisait. Puis il y a eu des délires à l'ancienne, on essayait de mettre des trucs sur les lettres, ouais, tu vois. Ouais, enfin ouais, du rap français, tout ça, il y a eu trop de trucs, les tu vois. Sons, je cherchais, je disais, c'est ça. Quoi, en fait. Puis après on a mis un peu des mots sur ça. C'est ça. Je ne sais pas, tu vois. Exactement, puis comme j'ai commencé, comme j'étais jeune, enfant du rap français, ça allait bien, tu vois, à l'ancienne. Ok. Puis enfin, on a ouais, du rap français. Pu. Ouais, c'est ça. C'est ça. Okay. Après, on est toujours enfant, entre parenthèses, ouais, ouais. On n'a pas encore prouvé ce qu'il faut, mais du coup, c'est pour ça, EDRF, blase de petit con. Lourd, mais ça veut dire que là, si par exemple, là, si je me balade à Bezac, est-ce que je peux voir une pièce de toi là? Ah, des Guetta, tu peux voir, hein. Après, on va pas déclarer les autres bails du crew parce que c'était EDRF, mais ça a très vite changé après, pas trop. Yes. Mais les vrais savent. Et le jour où tu seras parent du rap français, ça va être quoi? Ça va être avec un P au début. Non, ça sera toujours la même, c'est moi. EDRF, ça devient chelou. Toi, justement, enfant du rap français, ça sera jusqu'à la fin en fait, parce qu'au final, c'est moi, tu vois. C'est pas je changerai s'il arrive des trucs. C'est moi au final, c'est mon identité. C'est... Si. Vas-y. Ok, donc en dehors du rap, il y a le graphe. Ouais, le graphe, ça remonte. Ouais, je suis à la fac de sport aussi. Ok. On essaie d'avoir un petit bail un peu plus sûr, t'as vu. Parce que la musique, ça paye pas pour l'instant. Tu vois, après, peut-être qu'un jour, ça payera, tu vois, mais faut un peu de stabilité, tu vois. Donc, j'ai des plans après pour toi. T'inquiète. T'as des plans pour moi, excellent. Ouais. Attention, hein, te des mets plans, pas dans, te des mets plans pas dans Zéo. Un bourbier. T'inquiète, des plans 10 000 balles, cash. Au calme. Yes, ok. Attends, excuse. Merde. Bah, je fais quoi, je continue? Excuse-moi, non, attends, je reçois encore... Putain, j'ai pas encore éteint mon téléphone. Il a un problème. Je reçois un appel cagoulé. Fais chier. Il éteint jamais son téléphone. Ah, je suis obligé de répondre. Pour les 10 000, faut répondre. Hein, je dois répondre pour les 10 000, Gore? Ah ouais, ouais. Ok, je réponds, Gore. Je m'entends, Gore. Attends, je réponds à l'appel cagoulé. Allô ? Oui, monsieur EDRF, vous êtes des escrocs ! Vous êtes des escrocs ! Pourquoi vous coupez l'électricité à ceux qui sont dans le besoin ? Vous êtes des escrocs ! Rendez-moi mon argent ! Je crois qu'ils sont trompés. Ah, les bâtards. C'est quoi ça ? Je pense qu'ils sont trompés de numéro. Ah, il y a moyen, hein ? Faut que j'éteigne mon téléphone alors. Je crois qu'ils voulaient taper EDF en fait. C'est quoi le bail ? Je sais pas. Tu connais cette personne, EDF ? Non, heureusement pour lui, je le connais pas. Ah, non, c'est bizarre. Bon. C'est chelou. Vas-y, vas-y, j'éteins. Merci mon pour cet interlude. J'éteins, c'est bon. C'était très bien. C'est bon, j'éteins. Donc, sur ce que je vais faire, moi, je vais passer un petit son. Ouais, ouais. Qui s'appelle 13. Exactement. Donc, 13, je crois que c'est ton dernier clip. Exactement. Si dernier clip en date, c'est ça. Exactement. Et réalisé par. Notre ami Gras. Monsieur Gras. Tu connais Gras ? Ou tu l'as connu ? Je l'ai connu professionnellement, c'est ça. Ah, ok. Ouais, il faisait pas du graff. Non, c'est pas, ouais, je connaissais pas, ça se trouvait dans sa chambre, des petits graffs. Uh-huh. Après, si t'as son numéro, donne-le nous, parce qu'on le cherche. Hein. Vas-y, si y a son accord, on me donnera. Vas-y, ça marche. Ok, donc c'est EDRF 13, la 25e, 22h minuit, on est là, t'inquiète pas. Ma place, si j'avais pas rendu les coups, Radio Sud. La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. Ok, ok, vous êtes toujours Radio dans... Sud. Radio Sud.net. Je ne me trompe pas. On est toujours dans la 25ème, 22h minuit. Émission spéciale EDRF. Donc là, c'était le son 13. Exactement. 13. Pour l'anecdote, je me souviens très bien du tournage. Je me souviens pas très bien de la fin. Moi, je m'en souviens de la fin. On va pas déclarer, je m'en souviens de la fin. Ouais, il y a eu des longs freestyles devant le cinéma. Et puis après. Big up à KDLR. Après, hein. Big up à KDLR directement. Tu vois. Si, si. Non, c'était lourd. Moi, j'avais bien kiffé le clip. C'était lourd. Pour être là, j'avais bien kiffé. Le clip est propre. Le clip est bien, en mode nuit, tout ça. Et justement, en parlant de clip. Je t'ai fait une petite analyse de clip. Si, si. Rétrospective d'un peu tout ce que tu as fait. Je suis allé voir sur ta page. Bon, les bails, je les connaissais déjà, tu vois. Si, si, ça fait plaisir. Mais bon, j'allais pas venir les mains dans les poches. Donc, j'ai fait mon job. Donc, l'analyse des clips. Jujus, tu peux mettre un peu de. Tu veux un peu de. Tu l'as vu comment? Sucré, salé. Sensuel. Nyokmam. Nyokmam. Vas-y, c'est bon, on fait ça. Pundu. Ah, tu connais, tu sais comment me parler. Samouraï. Alors. L'analyse des clips de DRF. Je vais essayer de faire simple, efficace. Si, si. Donc, il y a 4 ans, tu as sorti Sans d'encre. Sans d'encre. Exactement, ça, hein. Bientôt 5. Bientôt 5 ans, ouais. La prod de Money Days. Exactement. Boom Bap. Ok, tout ça. Après, tu as sorti il y a 3 ans, Je sais bien. Exactement aussi, ouais. Prod de Lardy Sunny. Lardy Sunny, ouais. À peu près chaque clip, j'ai regardé un peu les commentaires, tout ça. Ouais, ouais. Et je t'ai sélectionné des commentaires, et puis j'aimerais que tu y réagisses, si tu as envie d'y réagir. Ouais, calme. Donc, il y a Cal, il y a 3 ans, il t'a dit yes, le son est bon, mais au niveau de la tenue, gestuelle, physique, faudrait faire un effort. Mais avec le temps, ça va s'améliorer. Bonne continuation. Qu'est-ce que t'en penses de Big up à lui, hein. Qu'est-ce que tu lui réponds là? Non, en vrai, la gestuelle. 3 ans plus tard, hein, ouais. Je t'ai signé un dé. Mais justement, en plus, tu vois que depuis ce moment-là, la gestuelle, elle a pris trop d'ampleur en plus. Bad. Il y a eu trop de. Ça a pris vraiment. Tu vois, il y a eu trop de whipping. Ouais. Et du coup, ouais, moi, la gestuelle, je m'en battais les couilles en vrai. Ouais, surtout que en vrai, quand t'écoutes le son, c'est un son boom bap. Ouais, tu sais, je te vois pas. La gestuelle, elle est. Tu vois, je me faire des dabs sur du boom bap, t'as vu? Exact. C'est compliqué. Non, après. Le gars lui dit bonne continuation quand même. Tu vois, non, c'est mais après ouais. Quand on regarde, si c'est tu regardes, constructif quand même. Si tu regardes le clip 13, ouais. Et même le clip d'avant. La tête ailleurs. Là, j'ai souhaité le clip. Ouais. Donc, bonne continuation, il t'a porté chance, on va dire. Si, merde. Et c'est propre. Donc, après ce clip, je sais bien, t'as sorti le clip Pourquoi. Ouais. Donc, il y a 2 ans. Ouais, exactement. La prod, c'est FLS et Coltar. Coltar, ouais. Pareil, il y a Zbub, big up à Zbub. Big up au Blaze déjà. Il y a 2 ans, il t'a juste mis un futur grand. Ça se fait toujours plaisir, mais après, vas-y, je sais pas, je m'attarde. Si, en vrai, ça fait plaisir, tu vois, je vais pas faire le gars, en vrai, ça me saoule, tu vois. Tu ne lis pas les commentaires? Mais si, je lis les commentaires, okay, mais merci. Mais ça, en vrai, tu sais, c'est constructif, enfin, ça donne la force, mais en vrai, c'est pas si constructif que ça, tu vois. Moi, j'ai toujours préféré, en vrai, les gens qui me critiquaient, en vrai. Parce que qui critique, bah, entre parenthèses, tu vois. Mais oh il y a toujours des gens qui te disent, surtout bah, mes grands personnellement, tu vois. Qui eux, quand ils critiquaient, tu sais que c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment constructif pour la ouais, suite. Puis les trucs après, c'est bien pour la force. Puis est-ce que ça cogite dans la tête des mecs qui disent ça aussi, de se dire est-ce que ça va, tu vois. Non, en vrai, force à eux. Fait toujours plaisir les commentaires positifs, toi. Sur ce clip-là, pourquoi est-ce que t'as voulu faire passer des bâtiments de la rue Mouillère pour des blocs? Non, pas du tout. De la rue Mouillère. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est en plus, filmé quoi. Comme si tu voulais. Non. De toute façon, filmé. En vrai, c'était du truc maison. Nous, c'était du fast cam. Il y avait pas de. On va faire passer quoi que ce soit pour ça. On va pas montrer où on est. On va pas montrer où on n'est pas. Tu vois ce que je veux dire? Nous, c'est naturel. En et vrai, justement, si on se dit. C'est qui te faisait les clips là? C'était moi. C'était moi l'ancienne. Ok. J'avais un pote qui filmait tout ça. Ah. Et puis les clips, je faisais tout seul à l'ancienne. C'est pour ça. Tu vois, c'est. Moi, en vrai, c'est ça aussi, ça prenait trop de temps, en vrai. Tu passes des 40 heures sur des clips quand tu sais pas trop manier les trucs. Puis au final, c'est ça aussi, d'évoluer aussi, c'est de s'entourer aussi de personnes qui savent faire ce taf-là et que toi, t'es, t'es plus qu'à te concentrer en fait principalement sur ta musique. Yes. Mais après, je suis content, je regrette pas les clips, je regrette pas les sons. Sans, je regrette pas grand chose. Je regrette. Bien, bien. Tu faisais le montage toi-même? Ouais, je faisais tout moi-même. Ouais, les montages, t'es un autodidacte. Ouais, c'est ça, à fond. Voilà. À mort, même l'enregistrement, ça a toujours été chez CNR. C'était tout ça avec bande sonore, CNR, tout ça. Et puis c'est le zinc qui faisait le taf au niveau du mix, tout ça. Et fort, j'ai eu de la chance. Yes. Donc j'ai continué. Je suis tombé sur Je perds du temps. Ouais. Je perds du temps il y a un an. Ouais. La prod de AB Soul. Ouais, c'est ça, c'est un remix en fait. Prod, elle avait déjà été prise par Derrickin. D'accord, par donc du coup Absoul. Et puis c'était Kendrick, il me semble. Si je dis pas de conneries. Gros son aussi. Donc là, il y a Aki Gros. Bon, je pense qu'il en avait gros sur la patate. Il t'a mis un jour, faudrait commencer à poser sur les temps. Hein. Ah ouais. Celui-là, il m'a fait rire. Mais ça, tu vois, c'est des bars, mon gars. Je sais pas, je suis en soirée. Des fois, je suis bourré, je lis ça. Ouah, je suis mort. Ça, c'est. C'est des bails, tu sais. Je sais pas. Surtout que du coup, j'ai réécouté le son. Bah, moi aussi. En fait, j'ai écouté. Après, j'ai regardé. Après, je dis, ah bon, j'ai réécouté. J'ai cherché à quel moment, tu vois. Tu sais, puis encore, tu te dis, si t'as pas sorti de clip avant, tu sais, ça veut dire encore, tu peux te dire, ouais, peut-être que vas-y, je me remets en question, tu vois. Mais après 5 clips, le gars dit, tu rappes pas dans les temps, c'est pas ton premier clip, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Pour moi, selon moi, c'est le son sur lequel t'as mieux posé ta voix, t'as eu le plus de présence. Sur Je perds du temps. Ouais. Ça fait plaisir. C'est que moi. Ouais, ça fait plaisir. C'est que toi. Hein. Après, tant qu'on est sur ce clip-là, Je perds du temps. Dans tes premières phrases. Ouais. Dans tes premières phrases, tu dis, j'ai tout préparé cette année pour tout niquer l'année prochaine. Ouais. 2017. Ouais. On est en 2017. Donc, il en est où ton niquage? Là, on va. Là, 2 ans plus tard. Tu vois, on s'est laissé un peu de temps. Vas-y. Je sais pas ce qu'il fait. Mais ouais, je connais en pas. En plus, c'est ça. C'est du coup ça. Le son, il est sorti. En plus, c'était encore old school. Ouais. Du coup, ça veut dire, en fait, le projet, il a pris trop de temps à sortir, mon projet old school, parce que je traînais trop, je faisais de la trappe en même temps, en fait. Mais fallait que je sorte le bail, du coup ça veut dire que j'enregistrais des fois 5 sons trap et puis j'oubliais les sons un peu. Et du coup au final ça a pris trop de temps, mon projet je l'ai sorti du coup je l'ai sorti longtemps après, je préparais encore, encore le projet après ce son. Puis du coup il y a plein de choses qui ont changé, après j'ai commencé à vraiment m'entourer de bonnes personnes. Puis là on espère que c'est notre année, tu vois, histoire de mettre Besançon sur la carte. Yes. Tous les frères d'ici qui soutiennent à fond, les mettre sur la carte, tu vois. C'est bien que tu me parles de cette transition, parce que pour moi, en gros, sans d'encre, je sais bien pourquoi je perds du temps. Pour moi, je l'ai en regard extérieur. Ouais. Je les classe comme ça, boom bap. Collection de t-shirts, le gouffre. C'est ça, bande exactement. Sonore, c'est ça, exactement. Sale gosse, c'est ça, t'as indécence. Capté. Voilà. Je pense que j'en ai oublié. À fond. Et t'as dit les principaux. Le détail, à chaque fois que je retrouvais dans chaque clip, c'était la casquette à l'envers. Ouais, à l'ancienne aussi. Tu vois, je vois que rien que là, tu l'as. Il a changé. Il a changé. Entre 2017 et 2000, il s'est passé un truc. On est d'accord. On trouvera ce que c'est. Excellent. Donc pour moi, voilà. Là, en gros, c'est caricatural, hein, ce que je te dis. Mais à partir de ce moment-là, boum, il y a 7 mois, t'as sorti La tête ailleurs. Ouais. Prod de Heavy Case. Exactement, ouais. Donc là, c'est changement radical. Soleil, à fond, plage, à fond. Je crois qu'il y a même quelques meufs, ouais, lunettes de soleil. On n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri de quelques meufs. Lunettes de soleil et autotune. Ouais, autotune, à fond. Si tu regardes, du coup, il y a de l'écart en fait entre le clip que j'ai sorti, donc du coup La tête ailleurs, et Je perds du temps. Du coup, il y a quand même, il y a un mois et demi, un truc comme ça. Ouais. Un an et demi. Non, pas un mois et demi. Non, un an et demi, ouais. Parce que Je perds la tête, c'était avril 2017. Ouais, c'est ça. Je perds du temps, c'était il y a 2018. Un an. Et La tête ailleurs, c'était il y a 7 mois. Août 2018. Ouais, c'est ça. Donc il y a eu un gros écart, du coup. Et c'est là que du coup, j'ai amené tout ce qui est autotune, tout ça. Mais après, c'est toujours. Si tu regardes en vrai, à part quelques détails qui sont mis autour du clip et quelques détails sur l'autotune, sur les instrus trap. En fait, si tu regardes mon discours, il est quasiment pareil. Ouais, en fait, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Le discours, il se change pas. C'est juste en fait la forme, tu vois. Puis après, du coup, c'est bien aussi de changer parce que moi, avant de faire de la trappe, en fait, j'avais plus rien à dire. Enfin, on a toujours à dire, mais là, j'avais plus rien à dire sur du old school. En fait, j'ai l'impression d'avoir fait le tour. Toujours les instrus un peu tristes et tout ça. En vrai, t'as un peu l'impression de faire le tour, tu vois. Puis les sons au final, moi j'allais plus vers de la trap dans ce que j'écoutais aussi. Ok. Donc du coup on fait un peu ce qu'on écoute, tu vois. Tu veux turn up maintenant, tu veux turn up. Non, tu... pas non plus hein. Pas non plus. Des sons de club. Non, ça c'est mort. Ça c'est mort. Pas de sons de club. Peut-être dans... Attends, c'est quoi les périodes? Peut-être dans 3 ans. Hein. Ouais, après, si hein. On sait pas. Hein. Peut-être Dieu, c'est ce que tu auras fait le tour de la trappe. Peut-être que ouais. Tu auras envie de changer encore. De... Puis il y aura peut-être même des autres styles qui seront arrivés après la trappe. Ah. Ouais, des bikes, ça se trouve, le rap, ce sera... Ça sera de l'électro, ça se trouve, le rap bientôt. Ah, mon gars. On n'est pas à l'abri. Donc, là, t'es ailleurs. Donc voilà, pour moi, changement radical entre les deux clips. Exactement. Et puis le dernier, du coup, c'était 13, qu'on a écouté juste avant. Ouais. Il y a 5 mois, prod par Europrod. Ouais, exactement, ouais. Donc là, c'est en mode nuit, grande équipe. Tu chantes un peu sur le refrain, sans autotune. Ouais. Quoi. Un petit peu quand même, on va pas faire les chanteurs. Ouais. Hein. On va pas faire la chorale. Quoi, ouais. Un petit pitch. Mais c'est pas l'autotune du clip d'avant. C'est réglé. Bah, du coup, c'est le changement de studio. Si. Changement radical. Tu l'as posé où celui-là? Du coup, ça, c'est chez ODN. Ok. Donc, du coup, c'est maintenant, c'est bon, c'est avec qui je travaille. Du coup, maintenant, Marcus, à fond. Fort. Gros big up à lui. Franchement, c'est un bête de taffeur. Franchement, il taffe trop bien. Mec, il s'acharne, ça veut dire en gros, tu peux lui demander 50 modifications, le gars, il te fait, tu vois, ce que tu veux vraiment. Puis il y a vraiment une bonne compréhension entre lui et moi, on a vraiment compris sur quelle direction on veut aller, tu vois, pour le projet. Donc du coup, là, tout le projet sera enregistré chez lui, mixé par lui, optimisé par lui, c'est à fond chez Oden. C'est ton âme sœur. Il est trop fort, ça. C'est mon âme sœur musicale. Ah bah ouais, âme sœur, gros. Gore, t'as posé là-bas, toi aussi. Ouais. Non, mais ce mec-là, humainement, c'est un putain de bon gars. Puis fond. Musicalement, on n'en parle même pas, les gars. À fond. Tu peux baisser le micro, ma gueule, hein, vas-y. Bonsoir à tous à la radio. Bonsoir. Vous qui nous écoutez, j'en place une pour le petit frère DRF. Il est chaud, il est plein de bonne satisfaction et tout, il va percer. Brrrr. Il est là. Ça, c'est les vrais refs, ça. Si. Big up aux puristes aussi en même temps. Ouais, gros big up. Pendant qu'on y est. Gros. Et big up au studio L'Oiseau de Nuit. Exactement. Coup, si vous les retrouvez sur Insta, si je me trompe pas, c'est Studio L'ODN. Ouais, tout attaché. L'ODN, si je me trompe pas. Ouais. Et voilà, je sais qu'ils taffent bien, je sais qu'il y a du monde qui fort, passe. Fort, ouais. Moi, là, j'ai un projet qui sort. En fait, il a rechopé des pistes, il a remixé un truc. Il m'a renvoyé le truc peut-être un an et quelques plus tard. J'avais oublié le son. J'ai fait, c'est un sort bonheur. Ah ouais, il m'a choqué, tu vois. Je l'avais oublié, le son était vraiment à la poubelle. Si. Ok, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 clips. Et la suite, c'est quoi? Là, la suite, du coup, c'est donc cette année. Plus aux alentours, du coup, d'après les vacances, tout ça, on va sortir un gros projet. On a essayé de structurer ça à fond. Du coup, il y aura un peu de tout. On voulait vraiment montrer la patte, en fait. La patte que je peux aller assez loin, assez m'adapter, tout ça. Okay. Et puis, du coup, un gros projet, énormément de clips. Il y aura beaucoup de clips, du coup, pour la promo aussi. On va faire des clips hors projet, du coup. Et puis, on va sortir des extraits du projet. On va alimenter ça à fond. Si. Il y aura les scènes, tout ça. Et puis, on va vraiment cogner. Il faut vraiment rester à l'affût, parce que là, ça va être sale. À partir de quand, tu dis? Du coup, septembre. Là, aux alentours, ouais, septembre, ça va arriver. Mais il y a des clips qui arrivent fort, là. Okay. Et j'ai vu là, les photos sur Insta, tout ça. Ouais. Le clip que tu fais avec Sinza, là, ouais, exactement. Ça m'a l'air bien lourd. Hein. Je sais pas ce que vous êtes en train de préparer, mais. Ouais, on prépare un gros bail. Dans la Merco à l'ancienne, là. Exactement. Ouais, les paysages dans la c'est forêt. C'est ça, exactement. On a voulu aller un peu plus loin, tu vois. Là, on a vraiment essayé d'aller dans une patte vraiment artistique. Donc, du coup, le clip, il est réalisé par Astra Productions. Yes. Donc, du coup, par Benoît Siegfried. Donc, c'est des mecs qui sont plus sur vraiment une patte artistique. C'est du cinéma, limite, tu vois. Ok. Restez à l'affût, parce qu'il y aura beaucoup d'effets spéciaux. Il y aura vraiment gros clip. Ça va être bien rythmé, tout c'est ça. C'est pour quand t'as une date? Ouais, c'est dans 3 semaines, du coup, il sera disponible. Donc là, on va commencer la promo. On va commencer à balancer pas mal de teasers. Voilà, on a donné un peu l'eau à la bouche avec les visuels là qu'on a un peu lancé, mais il y aura énormément de trucs. On n'en dit pas plus, mais beaucoup de cinéma dedans. Il sera dans le projet, le son? Non, il sera pas dans le projet, celui-là. Ouais, exactement. En fait, on voulait se faire vraiment un gros clip promo, en fait. Sinza et moi, du coup, parce que Sinza il va sortir pas mal de projets aussi, il y a pas mal de trucs qui arrivent. Et du coup, on voulait vraiment se faire un truc pour les deux. Et puis après, dans le projet, moi, je mets un peu plus ma patte. Okay. Je mets un peu plus de trucs et là, ça rassemble un peu plus nous deux. Du coup, le son, ouais, fort. Si, si. Bah, d'ailleurs, big up à Sinza qui est là avec exactement, nous. Ça arrive fort aussi. Sinza, faut savoir que là, il a taffé fort sur ma pochette. À fond. Là, il est en train de taffer fort sur les prochaines pochettes. Ah oh là là, les gars, vous Sol. Êtes pas prêts. Multitâche. Rien que d'y penser, j'ai des petits frissons. Oh là là. En backstage. Bon, avant de passer à la suite, je vais passer le son EDRF si, si. Ce soir. Si, si. Donc, on va écouter le son, tout ça. En plus, là, il y a du monde qui arrive. Ouais, ça tombe bien. Fort, les refs sont là, les refs sont nombreux. Va écouter. Je passe le son et on continue. Tout bien tout. Vu, bien vu, bien vu. Yes. Même si on a mal au crâne, et les heures passent, laisse-moi dans ma bulle. Ce soir on plane, parfois tout est noir. On oublie un petit peu nos peines, besoin d'espoir. Alcool dans le sang si t'as pas eu trop de veines. Les yeux fermés, la tête dans les nuages. Besoin de m'apaiser et de me calmer les nerfs. Ouais, ouais. Les yeux fermés, la tête dans les nuages. J'oublie nos erreurs, on va tout laisser derrière. Le bien et le mal, j'ai déjà fait mon choix dans ma tête. Et s'il veut pour penser, la suce sous alcool, mélange dans ma tête, bout ce soir, j'sais plus trop quoi penser. Et plus les idées claires, effet noir dans ma quête, y'a que la lune qui m'éclaire. J'veux raviver la flamme, mais ce soir y'a que le briquet pour allumer le terre. On se fout la def, à mort c'est grave. Juste entre vrai, y'a nous, c'est pas. Enlevé du jour, on sera tous épaves, mais on s'en fout. On pense qu'à planer, quitter la planète. Ici tout est fané, tout le monde est taré. À force de planer, comment tenir toute l'année. Passe à 220, on pète le compteur sur besoin de vitesse. L'arc est condé, on fait pas partie de ces gars qui stressent. On frôle l'interdit, je m'en fous ce qui est permis. Mon ref maîtrise tout même mon état d'ivresse. Balique des raclis, viscère lui en cli. On fait vite après, on pète train day sur la plage. On a besoin d'un spi, mettre de côté l'état aspect. Besoin d'écrire sur ma feuille pour m'étourner la page. Mais là je suis ailleurs, je regarde que la lune. Rien à foutre ton tailleur, toi et moi c'est d'ailleurs. C'est pas pour te tailler, chaque fois que l'armon m'appelle. Je suis pas fichu d'être à l'heure, laisse-moi dans ma pub. J'tourne en rond, pas besoin d'une belle monde pour constater que j'ai perdu mon temps. Les péchés s'accumulent et si on paye nos erreurs, j'ai déjà peur du montant. On se pète le faux air, ce soir on se resserre, même si on a mal au crâne. Et les heures passent, laisse-moi dans ma bulle, ce soir on plane. Parfois tout est noir, on oublie un petit peu nos peines. Besoin d'espoir, alcool dans le sang si t'as pas eu trop de veines. Les yeux fermés, la tête dans les nuages. De m'apaiser et de me calmer les nerfs. Ouais, ouais. Les yeux fermés, la tête dans les nuages. J'oublie nos erreurs, on va tout laisser derrière. Ouais, ouais. Si bien que depuis le départ on est classé, la goutte fait pas déborder le vase quand il est cassé. J'vois les culs joints s'entasser, on rêve de villa ou bien de rouler en classé. Hey, quittez-moi HLM, c'est déjà une sauce, mais tu crois que je rêve pas de plus. Je me suis pas lamenté, y'a que quand je vais de l'avant, je fais un pas de plus. Là, je ferme les yeux, je rêve de me barrer autre part. Ouais, la tête à sourire jusqu'à ce que mes refs tapent trop de barres. Ouais, c'est la verte qui nous latte. Je repense aux souvenirs, je regarde la voie lactée. Une fois plus, j'aurais perdu mon calme. Ce soir, faut que je quitte le bat. Marre d'entendre tous les voix s'achacter. Higo, c'est la merde depuis le départ. J'ai promis que je réussirais, quitte à prendre des risques. Ils savent pas qui on est, savent même pas tout ce qu'on vit. Les médias parlent de nous pour faire croire qu'on existe. Merde, j'ai pas à lâcher. Même pas passer la bataille, j'aurais cravaché. J'ai trop de haine dans les yeux, des sous, je regarde les cieux. Et trop souvent, les idées noires du côté passager. Mais bon. Tu crois qu'on est fiers de ça? Mes proches sont fiers de moi quand je me prends plus en main. Mais j'ai trop de choses en tête, trop de stress à gérer. Faut que je me détende le soir car j'ai peur du lendemain. T'inquiète, je vais me faire seul. Mais je compte sur mes refs, mon équipe, tu pourras pas séparer. Je t'avoue, je compte plus sur les gens, je compte les vrais sur les lois de la main sobre. Sur Rapta, c'est pareil. On se pète le faux air, ce soir on se resserre, même si on a mal au crâne. Et les heures passent, laisse-moi dans ma bulle, ce soir on plane. Parfois tout est noir, on oublie un petit peu nos peines. Besoin d'espoir, alcool dans le sang si t'as pas eu trop de veines. Les yeux fermés, la tête dans les nuages. Besoin de m'apaiser et de me calmer les nerfs. Ouais, ouais. Les yeux yeux fermés, la tête dans les nuages. J'oublie nos erreurs, on va tout laisser derrière. Ouais, ouais. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h, minuit. Radio Sud.net. 101.8. Yeah, yeah, yeah, yeah. La 25e, on est toujours là. Émission spéciale EDRF, 22h, minuit. Il est 22h50 exactement. On va continuer à te poser quelques questions. En balle. On prend le temps au calme, tu vois. On n'est pas pressé, tranquille. Moi, je vais te poser pas mal de questions. J'ai un peu tout regroupé, les influences, de ton point de vue, tes anecdotes, tout ça. Après, s'il y a des questions auxquelles tu veux pas répondre, j'en ai plein. On veut skipper. Il répond à tout. T'inquiète. Vas-y. Hein. Alors, carte bleue. Moi, tu vois, je t'avais déjà vu. Je t'avais déjà vu tout ça sur YouTube, tout ça. Ouais. Et en fait, réellement, je t'ai vraiment découvert sur scène. Ouais, si. C'était au Poncano. Au café international. Voilà, au café international, il y avait Josman qui était venu. Exactement. Et du coup, c'était toi qui assurais la première avec Sener. Voilà, avec Sener, ouais. Voilà. Ouais. Avec Est-ce que Sener. Tu peux nous raconter un peu ce délire-là? Yes. Donc, moi, du coup, en fait, la scène, ça a toujours été en fait ce que je visais, tu vois. On voulait pas spécialement faire des vues, en fait. On voulait surtout préparer en fait des sets pour être sur scène, tu vois. Puis après, on a fait. Moi, je me suis acharné aux open mic. En 2014, tout ça, il y avait énormément d'open mic. À l'époque. Et, hein. Ouais, il y avait franchement, c'était des grosses soirées. Il y avait au moins 20 kickers, tu vois. Minimum, tu vois, 20 kickers. Ça tournait, c'était grosse ambiance, grosse piaf. C'était lourd, tu vois. Ouais. Je me suis acharné du coup sur les open mic. Et puis après, on a commencé en fait à faire, faire des vrais sets, tout ça. Et puis moi, je t'ai fait à fond avec Bande Sonore, en fait. Puis Bande Sonore, du coup, ils étaient quand même pas mal rodés, tu vois. Donc du coup, moi, je venais dans le set et puis voilà, on partageait les scènes ensemble. Si, si. Il y a eu du coup Fête de la Musique 2015 à Granvelle. On a fait toutes les fêtes de la musique. On s'est toujours démerdé pour les faire, tu vois. Yes. Et puis du coup, voilà, maximum de scènes. Et puis du coup, ouais, donc il y a ça qui est arrivé, du coup. Concert avec Josman. Donc du coup, ouais, gros concert au Café International. Donc du coup, ouais, c'était blindé. Nous, on est sortis des balances. C'était déjà blindé devant. Il y a les gens qui faisaient la queue, tu vois. Parce que c'était une petite jauge, en fait, tu vois. Ouais, c'était ouais, 200 ouais. personnes. Ça veut dire 200 premiers qui étaient là, ils rentraient. Les autres, ils pouvaient pas rentrer, tu vois. C'est. Et puis du coup, ouais, gros concert. Josman, putain de mentalité. C'était vraiment un bon. Lourd. Et puis on a fait ça comme il faut. Hein. Tu trouves encore des scènes, là, aujourd'hui, en 2019? Ouais. Bah du coup, on remet ça le 10 mai. Du coup, le 10 mai, on sera au Café International. Okay. Donc ouais. Cette fois, on est pas en première partie. Ouais. Et puis du coup, ouais, gros concert. Du coup, le 10 mai avec Velcro et okay. Alvin Chris. C'est où ça? Donc c'est au Café International. Okay. Là où j'ai fait du coup le concert avec Josman. Et puis là, voilà, sur les coups de 22-23h, on va envoyer vraiment la sauce. Nouveau set pour le projet. On va faire quasiment que des sons du projet. Il y aura des guests, il y aura pas mal d'invités. On va vraiment faire un gros set. En plus, on a eu pas mal de temps. Ça veut dire que là, on est déjà en train de préparer ça et on va retourner le truc. Lourd. C'est ça les annonces que tu avais annoncées sur Insta? Non, même pas, c'est surtout le projet. Vas-y, annonce alors. C'est le projet, du coup, ouais, si, il y a ça, du coup, il y a le concert. Et puis surtout, ouais, l'annonce du projet, là, on prépare vraiment un gros projet. Bien structuré à mort, tu vois, je me suis laissé vraiment du temps. Et puis on va faire un 9 titres. Du coup, avec interlude, tout ça. Et puis franchement, on a bien montré notre patte, tu vois. On a bien montré, il y a du kicker, il y a du chanter, il y a un peu de tout, tu vois. Je pense qu'il y en a pour tout le monde. Après, on reste, tu vois, le concept du truc, c'était de rester soi-même tout le long, tu vois. Logiquement, il n'y a pas un truc, pas un mytho, pas un truc, tu vois. Donc, c'est surtout ça, les gens, en fait, c'est une biographie, tu vois, le projet. Ok. Mais j'espère qu'il y en a qui se reconnaîtront dedans, quand même. Si. Et ça, ce sera quoi, streaming? Ouais, on va essayer d'être sur toutes les plateformes. Plateforme directement. Tu peux télécharger ça illégalement. Tout, hein. Bah, tu peux, hein. De toute façon, la SACEM, ça rapporte rien aujourd'hui quand t'es indépendant. Du coup, vas-y, vous pourrez illégalement. Mais ouais, on va essayer d'être sur toutes les plateformes. On va faire ça vraiment bien. Ouais. On va en presser quelques-uns. On va vraiment faire du lourd. Là, on prépare la promo. Là. Vinyles, ça va être. Bah, limite, hein, tu vois, là, il y a un beatmaker, Money Days, du coup, qui avait fait des trucs, des cassettes, tu vois. Ouais. C'est dire en mode. Tu vois, t'as un petit bail. Moi, en vrai, je me dis, un premier projet. tac, tu fais 10 éditions, comme ça au moins tu te dis 10 ans après, tu vois, tu les ressors, tu dis ah ouais, j'avais vraiment bien taffé le truc, tu vois. Ouais, tu mets même une cassette, tu vois, tu la mets, vas-y. Toi, t'as connu un peu l'époque des cassettes, des postes, tout ça ou... Ouais, quand j'étais typé, parce que le daron, il est musicien, tu vois. Donc du coup, j'avais tous les Walkman, tout ça. Dès que j'étais tout petit, en fait, directement, j'ai été mis en fait dans la musique, indirectement, tu vois. Moi, j'avais pas trop la patience, en fait, des instruments, tout ça. Guitare, tout ça, j'ai essayé, j'avais pas la patience, tu vois. D'apprendre, moi ça m'énervait, je voulais tout de suite faire des solos, savoir jouer, tu vois. Calme-toi, calme-toi. Donc du coup on a un peu arrêté, mais du coup on a toujours été un peu dans la musique, tu vois. Tout doux, donc j'ai connu un peu, c'est ça, les cassettes, les CD, tout ça. Okay. J'ai même écouté pas que du rap. Après, c'est le principal truc que j'ai écouté vraiment depuis tout petit, c'est, tu vois, avec les cousins, tout ça. Et t'écoutais quoi du coup? Moi j'écoutais beaucoup Booba à mort. Booba à mort. Tant mort après l'AFF. Il y avait du monde, la Clica aussi. On écoutait les Sages-Peaux. On écoutait franchement du monde. Okay. Du monde, du monde. Et il fait quoi comme musique ton daron? Mon daron, guitare. Okay. Guitariste. Ah, ok. Comme le mais rap, du coup, en dehors du Pera, est-ce que t'écoutais d'autres bails ou t'étais vraiment. Bah, du coup, j'avais un peu de. Bah, du coup, le daron, il faisait écouter un peu de jazz, tout ça. Les guitaristes, tu vois. Yes. Donc, moi, en vrai, indirectement, tu vois, j'étais un peu dans les deux, en fait, au final. Moi, j'étais vraiment côté rap, tout ça. Et puis en fait, quand on partait en voiture, tout ça, c'était en fait du jazz dans la voiture. Lourd. Donc du coup, j'ai un peu, tu sais, ça m'a fait un peu une oreille musicale aussi, un peu, tu vois ce que je veux dire. Direct, en plus, j'allais voir mon daron en concert, tout ça. Ça pas... okay. Donc au final, ça m'a donné un peu une patte musicale quand même, un petit peu, tu vois, avant le rap. Et la collab, elle en est où? Pas de collab, hein. Vas-y, hein. Pas de collab, on reste. C'est bon. Au moins, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Je vais pas embêter le daron avec ça. Yes. Vas-y. Et du coup, toi, si tu devais te... Moi, c'est vrai que c'est un peu difficile à poser comme question, mais si tu devais te ranger dans une case, est-ce que tu serais old school ou new school? Je dirais mentalité old school sur de la new school. Ok. C'est-à-dire en mode, pour ceux qui me suivent depuis un bon moment, tu vois, c'est la même, en fait. C'est la même, c'est juste la forme qui a changé, en fait. Ok. Mais la mentalité, c'est toujours la même, tu vois. Ça veut dire. T'as juste mis un peu des habits d'aujourd'hui. Ouais, mais fond, même. Non, même ça, dessous, ça s'est fait. Même ça, ça s'est fait naturellement, tu vois. T'es en vrai, c'est. Gamin, c'est tu vois, ça s'est fait un peu naturellement. Quoi? Attends, t'as dit quoi? T'as juste mis des habits d'aujourd'hui? Ouais, entre guillemets, tu vois, c'est une image. Vas-y, tu vois, t'as compris quoi? Ah non, rien du tout, c'est bon, vas-y. Continuons. Moi aussi, j'ai compris, je crois. Non, mais il y a que. Non, mais tu vois, Jounès, à chaque fois, dès que tu fais des métaphores, c'était comme avec Ehud, tu vois. Allons-y. L'atmosphère est palpable, tu vois, il a commencé à... Palpline. Il commence à parler vietnamien. Je tiens à dire qu'il est 22h57 et que Lio a des lunettes de soleil dans le studio. Voilà. Donc, après cette parenthèse amicale, est-ce que tu peux me citer trois albums références? Tes trois albums références. Trois albums références. Ouais. Moi, des albums, je dirais. Moi, c'est plus des sons, tu vois. Ah bah parce vas-y. Que les albums, vas-y, c'est un peu. En fait, le concept, tu réponds aux questions que tu veux. Ah, il est à l'aise. Hein. Ouais, c'est bon. On a compris, il est comme chez lui, il s'en fout. Il fait beau aujourd'hui. Ouais, je sais pas, frère. Je sais pas, ils ont gagné 3-0, frère. Mais bien, tu vois. T'inquiète. Bon match. Non, du coup, en son, je citerai. Cherche pas à comprendre. Ok. De l'AFF. Je citerai La Lettre de Lunatic. Ouais. Et puis en troisième, je citerai Niro Sans Regret. Ok. Si, si. Vas-y. Ok. Je note. Et cette année. Ouais. N'importe quel style de musique confondu, est-ce qu'il y a un album que tu attends plus qu'un autre? Hashtag de Chao. Ah, on attend. Ah, là, faut que Puriste il se réveille. Hein, parce qu'on va voir si le projet il arrive, t'as vu? Ils sont arrivés avec Benalla. Ils sont arrivés, donc là on attend, là ça va frapper, je pense, mais il faut attendre, tu vois. C'est comme un orage, il se prépare, tu vois. Il y a l'été, puis après l'hiver, les orages ils frappent, tu vois. Vas-y. T'as des tuyaux, toi, non? Non, un peu, hein. Vas-y, t'inquiète, j'ai un plan de 10 000 balles pour toi après. Donne. Vas-y, au calme. Ouais, il y a Lio des puristes avec nous, des peuristes. Ouais. Arrête de parler vietnamien. Qui est avec nous ce soir. Lunété, oh. Gobeleté. Oh. Voilà. Donc, du coup, ouais, en procès, il y a suite 13 blocs. Ouais. 13 blocs qui va arriver normalement. Ça, j'attends. Après, deuxième album de Josman. J'attends aussi. Après, moi, je suis impatient de voir ce que PNL ils vont faire, tu vois. Parce que voir si c'est un peu du... Parce qu'en vrai, il y a peut-être moyen qu'ils disent qu'ils préparent un truc, puis qu'en fait, ils sont en train de bronzer sur les îles, qu'ils s'en battent les couilles, tu vois. Donc, on va voir le projet, ça se trouve. Ils peuvent faire un projet en une semaine, ça se trouve, tu vois. Il y a un son qui sort aujourd'hui. Ouais, apparemment, ouais, j'ai vu ça. Après, on est habitué avec eux aux mauvaises nouvelles, tu vois ce que je veux dire. Ils ont mis pas mal de faux plans, là, ces dernières. Donc, du coup, ouais, je suis pressé de voir ce qu'ils vont faire. Puis après, il y a du monde, il y a Zeger, il y a du monde qui arrive aussi. Yes. Ça va être fort. Et